assalamu alaikum lebon yippon na fi dan am bi nak ben mer la won ben mer jola mer bi dal chaque fois su soxla way khalis rek day dem église quoi parce que église gars dañuy def ay quête quoi wa dañuy def ay quête wa nit yi ñay ñew dañuy def ben affaire non nit yi di ci sani khalis quoi wa pour parfois wala dimbali ay nit yu pauvre wala ay orphelina afro la quoi legi mer bi chaque fois soxla xalis mu ñew taxaw kanam mari nak statut mari wi ne mari do mëna bëgg bu petit 15 sama jël ko fay la rek mu jël 15 bu dem mu ñëwaat lendemain bi ñe mari do mëna bëgg bu petit 15 sama jël ko fay la ñu def non rek après nak prêtre bi gis ni day manqué xalis quoi waaw il manque de l'argent aw legui nak mu neuf li fakk mu jema xol quoi lu waral lolou legui nak benn beus mu dem nebeutu ci ginnaw statut jésus nak legui mu gis maire bi mu ñew ne mari do mu lebul bu ñu gën suma jé ko faylo legui nak legui nak mu kon ki la no ok xara ba benen nak mu ñewat legui nak benen yon nak mu ñew nak pa bi prêtre bi def même chose dem nebeutu ginnaw statut jésus bi maire bi ñew rek rek ne mari do mu lebul bu ñu gën suma jé ko faylo rek prêtre bi nak ginnaw statut bi rek ne lebuluñu la rek meme ne jésus wax ma yow sa la waxal